Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'école, entre une heure de colle, de maths ou un cours d'espagnol. C'était une fille fun, fana de football. Lui ne craignait pas les balles, c'était le goal. Ce qu'il lui promettait, c'était des balades en corvette. Pour l'instant en survette, il volait des mobilettes. Mais entre eux c'était toujours complicité. Escale sur un piédestal, un rêve délimité. S'il devenait triangle, elle serait rectangle. La belle et le bad boy, le triangle rectangle. C'est comme passer de Jodassin à Jodeci. Un vrai truc de ouf, style pur clip de R&B. Elle vit le grand amour qui commence dans la course, poursuit dans les tours et rime toujours avec toujours. Mais le contexte est plus fort que le concept. Son mec se jette dans des flammes et il se lave avec les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. Les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. Pour gagner des sous ensemble, parle sans faire semblant de faire des coups ensemble. Et si c'est sanglant, ils plaident devant Dieu ensemble. Vu, il était convaincant, elle était convaincue à croire qu'aujourd'hui s'arrêter était exclu. Il trafique des faux billets avec des réseaux slaves, balance la concurrence. En France, c'est un délit grave, risqué pour les pommettes. Les mecs sortent des baumettes, lui n'a qu'un truc en tête, c'est la quête de sa corvette. Ambiance paranoïaque, l'équipe adverse traîne, des projectiles partent quand une BM freine. Quand elle tombe, il a les larmes aux yeux. Deux balles de 22, 22 ans a dit eux. Le contexte est plus fort que le concept. Son mec s'est jeté dans des flammes, faut qu'il se lave avec les sous-ensembles, dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles, ça semble. La belle et le bad boy, les sous-ensembles. Dans les grands ensembles.